اليمن مكالمة داخلية وأنتم اتصلتم دولي. Donc on revient en fait à la thématique sur l'enfer en fait. Donc ces trois personnages qui sont en enfer, il y a un Américain, un Français, un Yéménite. Donc l'Américain et le Français demandent à téléphoner à leur famille quand même, ils arrivent en enfer, ils veulent quand même rassurer leur famille que quand même tout va pas trop mal, etc. Donc ils demandent au diable de téléphoner. Alors le diable les autorise, il téléphone, chacun il parle une minute et demie à leur famille, juste deux, trois mots, etc. Bon, l'Américain d'abord, le Français ensuite. Et puis le diable leur dit, bon bah ça fait 3 millions de dollars. Alors ils disent, ah bon, c'est vachement cher et tout. Enfin bon, c'est l'enfer, on n'a pas le choix. Bon, ils sortent leurs dollars et puis ils payent. Et puis le Yéménite, il téléphone aussi à sa famille, et puis il téléphone aussi, il parle aussi avec ses voisins, et puis il appelle aussi ses copains, et puis tout le monde au Yémen, etc. Ça dure au moins une heure et demie. Et puis à la fin, le diable lui dit, ça fait un dollar et demi. Alors là, l'Américain, le Français, il dit, oh, mais c'est pas possible, c'est injuste, qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Alors, le diable leur dit, bah oui, mais vous comprenez, vous avez appelé international, tandis que de l'enfer au Yémen, c'est un appel local. Donc, pour le moment, le Yémen, c'est l'enfer, ça, c'est clair. Et quand même, on va essayer de penser qu'est-ce que pourrait être le Yémen dans l'avenir. Est-ce qu'on va sortir de l'enfer ou pas? Alors, une